بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. حديث كومنتي با أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب طيب المذي سي لو ليكيد بروستاتيك. Après vérification, c'est liquide prostatique. Prostatique. Je passe ça un lien, mais en tout cas il s'appelle comme ça. Liquide prostatique. J'ai demandé à un frère, il m'a confirmé, après j'ai regardé, en effet c'est bien ça. Et un truc important par rapport au hadith d'hier, par rapport au sujet du sperme, car certaines personnes, il y en a qui n'ont pas étudié bien entendu, ont des préjugés, des idées préconçues sur ce genre de sujet. Que pour eux le sperme c'est une chose qui est sale, que tu peux pas faire la salade, tu peux pas dormir dans le vêtement où il y a du sperme, que tu peux pas dormir dans le lit dans lequel il y a du sperme. Il y a plein de trucs qui s'imaginent, tu vois. Ils s'imaginent, surtout chez les Awam, des choses énormes, et qui en réalité ne méritent pas tout ça. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, comme on apprend dans le hadith, Aïcha a lavé le vêtement. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Où il avait des salades dans le vêtement. Est-ce qu'un vêtement dans la maison, pour dormir, sera plus honoré qu'un vêtement dans lequel tu fais salade? Et est-ce que toi, tu es plus propre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Justement, ce genre de choses, c'est pour nous démontrer les jugements. Tu vois, beaucoup de choses comme ça, il y a une hikma derrière, c'est pour nous apprendre le jugement de la chose. Parce que des gens, ils s'imaginent, comme le vêtement, il est touché par le sperme, je sais pas quoi, il faut absolument, c'est, on dirait, c'est une najasa ou pire encore. Tu changes les draps tout de suite et tout. Tu dis, non, maïal sem. Tu le nettoies avec de l'eau, s'il est encore mouillé, et si jamais il a séché, tu le grattes. Yakfi. C'est pas une najasa. Et tu verras souvent les gens, justement, qui ont beaucoup d'ignorance en religion comme ça, tu les verras souvent de qualifier les salafis comme étant des montachats de didine, des gens durs et extrémistes, mais tu regardes bien, c'est eux qu'on est extrême. Dans des masaïls super simples comme ça, tu vois, ils font des énormités. Tu dis, c'est toi qui vas trop loin, là. C'est du sperme, c'est tout, tu le dis, c'est pas... Tu vois. Ça ne tue pas, c'est pas une nage à ça, et c'est même pas une saleté comme... Par exemple, je sais pas, de la poubelle, c'est juste une chose qui est, tu vois, qui n'est pas forcément plaisante en soi, mais c'est même pas une saleté comme, je sais pas, comme si t'avais, je sais pas moi, alors elle aime un truc qui vient de la poubelle, j'en sais rien, c'est même pas ce stade-là. Et tu les vois avoir ce genre de choses, avoir assez, voilà quoi. Ou comme l'eau par exemple, comme on l'a dit au début, enfin l'eau d'eau, voir l'eau, il y a un peu de saleté dedans, khalas, il va pas faire l'eau dedans. On dit l'eau elle est pure. Ouais, mais il y a ça qui est tombé dedans et tout. Ouais, mais l'eau, elle est pure, faire l'eau d'eau. Non, non, tu vois, ils jettent l'eau, ils reprennent l'eau. Moi, je veux de l'eau propre, c'est pour adorer mon Seigneur et c'est pour. Des choses simples et claires à faire, on ne va pas les faire. Et des choses sur lesquelles, elle, justement, le djinn l'a simplifié, il va se compliquer la vie. Tu dis, c'est la salade, moi, je l'honore et tout, je la respecte et tout. Je fais, taïeb, c'est une bonne chose. Tu dis, et toi, est-ce que tu t'honores quand tu regardes comment tu es, toi, ton apparence déjà. Des choses qui sont obligatoires, tu ne les fais pas. Par exemple, tu vas le voir serrer la main à une femme et tu vas le voir faire des trucs comme ça, par exemple. Tu vois, tu vas le voir travailler dans la mixité et tu vas le voir parler sur des sujets comme ça sans juger plus que ce que Allah lui a demandé. Parce que pourquoi? Parce que ses idées ne sont pas basées sur des hadiths. Elles sont basées sur des coutumes, ce que son père lui a appris, son grand-père lui a appris, ce que dans son village on fait. Donc lui, il est basé là-dessus. On lui dit non. Toi, tu avances sur le kitab wa sunnah. C'est ça ton mizan, c'est ça ta balance, c'est ça ton arbitre. C'est pas ce que ton père t'a dit. Si ton père t'a dit, ça correspond, tu prends. Ça correspond pas, tu prends pas. Tu t'éduques avec la religion, tu t'éduques pas avec les coutumes. Maintenant, si les coutumes coïncident avec la religion, marhaban. Aussi, ils ne concordissent pas la religion, même si on dit que c'est pas la même chose, mais il n'y a pas un ta'arud avec le texte, il n'y a pas d'opposition avec le texte, marhaban. Ah, mais si la religion t'a dit une chose, t'a créé une chose, toi, n'en fais pas plus. Et si tu verras souvent ces gens-là qualifier les salafis de Moutachad Didin, ce sont eux les Moutachad Didoun. Par exemple, comme une fois il avait cité le shir dans les mariages, par exemple. Le mariage. quand ils viennent pour marier leur fille. Regarde le mariage qu'ils font. C'est pas d'exagération, ça. Ils demandent un mahr de je sais pas combien. Il faut qu'il y ait une salle, il faut qu'il y ait ton invité, il faut qu'il y ait cette robe de mariée, il faut qu'il y ait. Ça, c'est pas exagéré, ça. Le seul n'a jamais été. Le mariage, c'est très simple. Le wali, la femme, le mahr. C'est tout. Même les deux témoins, ce n'est pas rukn. C'est pas un pilier. Si tu les as pas, le mariage, il peut être valide quand même. Il y a un khilaf, mais la vraie parole, c'est ça. Tout le reste, c'est juste. C'est des surplus, c'est tout. Celui qui a les moyens de faire une grande fête de noces, qu'il le fasse, s'il a les moyens. Mais toi, tu imposes à quelqu'un, ma fille, tu ne l'épouses pas si tu n'as pas ça, ça. Alors ta fille, tu trouves, elle veut juste se marier, elle veut se préserver. Un frère qui lui convient, toi, le père, il vient, ou la famille, il vient. Non, on veut. Tu sais qui exagère maintenant, là? C'est vous qui exagérez, là. Deux jeunes, ils veulent se marier, se préserver. Parce qu'il y a toutes les fêtes qui sont autour d'eux. Et vous, pour exagérer la religion, vous empêchez de faire ça. S'il n'a même pas un marque de je sais pas combien de. Tu vois? Hein? Voilà, il faut qu'il a travaillé avec un poste, avec un salaire, avec un tas de choses. C'est pas blâmable. S'il travaille, taïeb. Mais si par exemple, lui, il a une situation et la femme, elle est d'accord. Ben, ça lui dit, moi, je suis prête à patienter avec celui-là. Sa religion me convient, son comportement me convient, physiquement, il me convient. Il est pauvre, oui, mais c'est pas grave. Je suis prêt à patienter avec un pauvre plutôt qu'un riche qui va m'égarer. Naam, al-baqi min hada. Aïe. Le plus important, c'est pas l'argent ou le confort. Le plus important, c'est ma religion. Ce frère-là me convient. Eh ben, ils veulent pas. Pourquoi? Parce qu'il ne leur convient pas à eux. Eh ben, ça, c'est quoi, ça? Ça s'appelle du roulou. Donc, c'est qui les moutachat didoun, en réalité? C'est les ignorants. Les gens qui sont ignorants auront toujours tachat didoun, là où il ne faut pas en avoir. Et ils ont du tassa, houl, là, il ne faut pas en avoir. Ils seront laxistes, là, il ne faut pas. Et ils seront durs, là, il ne faut pas. Malheureusement. Les gens de la sunna, c'est quoi? Le wasat, le juste milieu. Maintenant, ce qu'il y a des individus, des fois, c'est plus qu'un frère exagère sur un point, lui, ou un autre frère, il exagère sur un point, lui, ça convient, ça concerne lui, sa personne, mais le ménage qui suit, il n'appelle pas à ça. Le salafi, en lui-même, n'est pas un exemple. C'est le ménage qui suit qui est un exemple. Un salafi peut se tromper. Il peut dire ne pas un jeu, il n'a pas su, il s'est trompé, il a mis un jugement, il ne savait pas, il a eu un comportement qu'il ne fallait pas. Ça, ça vient à lui. Pas à dire vous, les salafis, non, c'est lui qui s'est trompé. Et même si trompé, tu lui expliques, il va revenir, Inch'Allah. C'est pas la peine de faire comme s'il avait fait un truc énorme. Tout le monde fait des fautes. Si tu lui expliques qu'il revient, khalas, il a fait tawbah, alhamdulillah. Mais le problème, c'est que la mas'ala, c'est quoi? C'est s'en prendre à une catégorie de gens. Tu vois? On veut salir un ménage, on veut salir une darwa, on veut salir une voie à suivre. Donc on prend le premier et on met tout le monde dans le même paquet. Malheureusement. Et ça, c'est Adam al-Adl, Adam al-Insaf. Ça, c'est pas être juste, pas être équitable. Et les gens qui agissent comme ça, généralement, c'est qu'ils ont un but derrière. Leur but, c'est pas genre Inkar al-Munkar. C'est Inkar à la Salafiyya. Les Salafis me dérangent. Pourquoi? Parce qu'ils me rappellent ce que je dois faire et j'ai pas envie de le faire. Ils me rappellent mes obligations et j'ai pas envie, moi. Moi, j'ai envie de vivre tranquille, alhamdoulilah, faire ma vie, je fais mes salates. Hein? Quand j'ai pas le temps, je l'attrape le soir, par exemple, ou kaza. Et lui, là, il vient, il me rappelle ce que je dois faire, j'ai pas envie. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'aime pas. Non, en fait, tu mets le kiyama, tu vas regretter pas l'avoir aimé. Pas même. Donc, là, pour le hadith, al-sadis al-ishroun. An nabi al-samh, radhiyallahu anhu, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yughsalu من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. Donc selon Abu Samh, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on lave l'urine de la petite fille, la fillette, et qu'on humecte, on arrose quoi, de l'urine du garçon. Là on parle en fait des bébés. Allez, parle des bébés. Et Roulem, ça peut aller jusqu'à un âge, tu vois, un certain âge. Comme on l'a pris, ça peut aller jusqu'à plus de 10 ans. Jusqu'à l'adolescence. On peut dire c'est un Roulem. Également, un Roulem, ça peut être un jeune valet. Généralement, les Roulem, quand on dit c'est un valet, c'est un jeune garçon. Et le Jem, c'est Yarilman. Et le Jaria, c'est pareil, sa petite fille. Ça peut être également une servante. Donc le hadith a été rapporté par Abu Daoud ben Nasa'i et authentifié par le Hakim. Et on sait que le Hakim, dans son tasrih, il est laxiste. Le Hakim, dans son tasrih, quand il authentifie un hadith, il faut vérifier. Il est très laxiste. Comme on l'a appris. Le hadith est Hassan. Le hadith est Hassan. En plus, il y a des shawahid, d'autres hadiths qui sont venus qui prouvent que, le, comme le hadith de Aïcha, qu'elle est venue avec un enfant qui a uriné sur le Prophète sallam et qu'il est humecté selon le lieu. Donc le ma'ana il est sahih. C'est quoi la différence entre le hadith al-sahih ou al-hassan? Que le rapporteur est moins précis. C'est-à-dire la chaîne de narration elle est continue. Pas d'interruption. Que chacun a bien rapporté de son cheikh. Quand même. Qu'il n'y a pas de illah. Et qu'il n'est pas chaz, marginal. Cependant, la différence, ouais, comme on a dit, c'est le sahih, le rapporteur, il est thiqa. C'est-à-dire qu'il est précis dans ce qu'il rapporte. Et dans le hassan, il est moins que cela. Il peut être sadouk. Par exemple, c'est-à-dire il ne ment pas ou quoi, mais il peut se tromper. Alors que le hadith al-sahih, le rapporteur, il est précis dans ce qu'il rapporte. Et qu'il rapporte d'un fiqa comme lui, ainsi de suite. Non. Mais min hasul rad ou al-qaboul, ils sont pareils. Le hassan dans le sahih, c'est-à-dire on l'accepte. Ou yurta djoubé, on le prend comme preuve. Tayyib. Donc il dit, mas'ala tadhir. Baul et radia. La purification de l'urine de l'enfant allaité. Qui n'est pas encore sevré. Donc en prenant l'apparent de ce hadith, Ahmed, Ishaq et d'autres disent qu'il suffit d'humecter l'urine du garçon et de laver l'urine de la fille. Et d'autres parmi les tabiyyin, d'autres savants sont après le même avis. D'autres savants voient qu'on humecte les deux. Que le garçon et la fille ont le même jugement. Et ils ont fait un qiyas. Ils ont fait un qiyas de la fille sur le garçon. Et leur qiyas, il est rejeté. Pourquoi? Parce qu'il contredit un texte. Quand même, il contredit un hadith qui est muhtajun bi, qui est pris comme un argument. Donc là, quand tu as un hadith, tu as un texte ou quoi, il n'y a pas de qiyas. Le qiyas, c'est l'absence d'un texte. Et Abu Hanifa et Mazhab Malik, ils voient que c'est obligatoire de laver les deux urines. Celle du garçon, celle de la fille. Et leur parole contredit quoi? Le hadith. Donc tu vois, comme le Rochir Yahya le dit, et d'autres Mashir le disent, qu'en vérité, les Mazahib, tu vois, les Mazahib en soi, celui qui suit un madhab, il y en a qui a évolué sur un madhab sans s'être fanatisé, il a le droit. Vous voyez? Parce qu'en fait, c'est une sorte de classement. C'est juste une structure, en fait. Ça structure les choses. C'est tout. Mais comme on l'a expliqué, c'est pas un train sur des rails. Genre, le madhab, il dit ça, je fais ça. Non. Par exemple, t'en as, ils ont pas envie de s'éparpiller dans les khilaf. Ouais, l'imam Malik, il l'a dit, l'imam Ahmed, il l'a dit, tu sais, il lui dit, non, ça me perturbe. Mais moi, sur un truc, j'avance dessus. Et si il y a une erreur, vous montrez-la moi et tout. Mais je reste sur ce truc-là. Par exemple. Parce que le madhab, les gens du madhab, ils n'avancent pas sur l'épreuve. Ils avancent sur le madhab. Le madhab, il dit. Les ulama du madhab, ils ont dit. Et ainsi de suite. Il dit, la meilleure tariqa pour apprendre, c'est dans les moutons de hadith. Parce que le dalil, c'est quoi? C'est le Coran et la sunna. C'est pas le madhab. Le madhab, il peut être conforme au Coran et sunna, il peut khalaf. Quand tu as le hadith, tu as la preuve. À ce moment-là, il n'y a plus l'imam un tel. Ça y est, bon, j'ai ma preuve. J'ai mon dalil. Tu comprends? Même si il y a un khilaf sur le hadith, est-ce qu'il est authentique ou faible? Ça, c'est encore un autre bête. Ça ne pas dans le fiqh. Ça dans le moustalah. Maintenant, tu as un hadith, il est là, il est clair, wadih. Avec un jugement. Comment j'ai un hadith, tu me dis, ouais, mais c'est pas mon madhab. Tu dis, ya akhi, tu dois suivre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pas l'imam Foulen. Là, tu as un hadith authentique qui te dit, ma salah, elle est claire. Pourquoi tu ne veux pas l'appliquer? parce que ton madhab ne correspond pas à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé qui? L'imam ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui l'a envoyé? Et même ton imam que tu suis, il t'a pas appelé à faire ça. Lui, il suit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme les Shafi'i, ils ont connu le hadith sahihin pour madhabi. C'est le hadith est authentique, c'est mon madhab. Tous ils ont, il n'y a aucun qui a appelé à ce qu'on les suive. Aucun qui a appelé à ce qu'on les suive. Et même, on va dire, il y a d'autres ulama qui avaient des madhahib. Seulement leurs madhahib, après, ils sont éteints. Mais pas que. Hein. D'autres ulama avaient des madhahib. Il y avait un madhahib qui était considéré avec des suiveurs et tout. Mais au final, Allah kandal que ces quatre-là qui ont été. Perduré. Mais t'as pas d'ulama d'autres, enfin plein. Certains autres, que les gens ne savent même pas, c'est des madhahib à l'époque. Et certains avaient des madhahib plus forts que Abu Hanifa, par exemple. Mais parmi les quatre, les ulama ils reconnaissent que le plus proche de la sunna, c'est le Hanbali. L'imam Ahmed, c'est le madhab le plus proche de la sunna. Tu vois? Le Cheikh Moghboul, il disait quoi? Nous, on ne suit pas les madhab. C'est le Cheikh Moghboul, lui, c'est pas ça le madhab. Il a dit, si je devais copier un imam, le Kuntu Mukalledan, la Kalatou, Ahmed. Lakin, Aran Talakid Haram. Il dit, j'aurais dû imiter quelqu'un parmi les imams, j'aurais suivi Ahmed. Mais cependant, je vois que le taqlid, il est haram. Il n'est pas dans ce sens qui a été apporté de lui. C'est-à-dire, je calote personne. Parmi les hommes, parmi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le mot premier, c'est ittiba. C'est même pas taqlid. C'est ittiba. C'est un taqlid qu'on fait à la base, c'est sûr. Parce qu'à la base, il n'y a pas d'argument à lui demander. C'est Allah qui l'a envoyé, on fait ce qu'il dit. Mais le terme employé, c'est ittiba. C'est pas Khalidou, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que c'est pas quelqu'un qui dit qu'on a au Khalid de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va pas le blâmer. On dit c'est vrai. Parce que c'est lui la Hujja. Mais en vrai, c'est Ittiba qu'on emploie comme terme. Donc ces histoires de Mazahib, il y a un Khay dedans, mais son char, il paraît beaucoup plus grand. Le Khay, il est où? C'est dans le haq que chaque imam a apporté. Tu vois? Et on ne nie pas le travail que ces imams ils ont fait. Le char, ça vient à quoi? À la division. À la division. Et tomber même dans la bid'a. Donc les imams voient que ça filait un madhab et ils voulaient dessus, comme ça, au détriment des textes, c'est une bid'a. Ou dire je suis Hanbali, je suis Maliki, il dit que ça n'existe pas ça. Alors c'est pourtant que tu n'as jamais demandé d'être Maliki ou Hanbali. Tu es d'être musulman. Maintenant aujourd'hui, on pourrait dire ouais, pourquoi vous dites ça là? Vous dites salafi, vous. On dit pourquoi on se dit salafi aujourd'hui? Parce que déjà à la base, notre appartenance, elle est légiférée. De gens que Allah dans son Coran, dans son livre, a fait l'éloge. Et donc Nabi Sassam a fait l'éloge. Khaylo Korn, Khaylo Nas, Korni, Thumma Allazina Yaronahum, Thumma Allazina Yaronahum, Thumma Allazina Yaronahum. Le meilleur des siècles, c'est le mien. Donc qui? Sahaba. Puis ceux d'après, c'est-à-dire Tabi'un. Puis ceux d'après, Adba Tabi'un. Nabi Sassam a fait leur éloge. Également, Nabi Sallam qu'on allait, Antum fi khayr, madama fikum, man sahabani wa ra'ani. Vous êtes dans le bien, tant que reste avec vous, ceux qui m'ont vu, qui m'ont accompagné. Après, elle a rajouté, madum tum fi khayr, madama fikum, man ra'ani wa sahaba man sahabani. Que vous êtes dans le bien, tant que vous sont avec vous, ceux qui vont, ont vu, ceux qui m'ont vu, et ceux qui m'ont accompagné, ceux qui m'ont accompagné. Wa zada, madam tum fi khayr, madame a fait comme man ra'ani, wa man sahaba, man sahabani. Dans le bien, tant que vous serez en votre sein, ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu, et ceux qui ont accompagné, ceux qui m'ont accompagné. Donc nous, on s'attribue à des gens qu'on a un éloge d'eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, aujourd'hui, à la base, si tout le monde était sur le haq, il n'y aurait pas de dire salafia. C'est sûr, certain. Le problème, c'est que les gens ont divergé, différentes sectes. Donc maintenant, il faut que tu t'attribues à un menhaj. Pour qu'on sache à qui on a affaire. Moi, je suis salafi, c'est-à-dire quoi? Je suis le Coran et la Sunna avec la compréhension des ceux dont le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge. Et ceux dont Allah dans le Coran, premièrement, a fait l'éloge dans son livre. Ceux qui ont compris le Coran et la Sunna mieux que tout le monde. C'est leur langue maternelle. Ils ont vu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont vu agir. Ils ont les meilleurs des cœurs, c'était les meilleurs des hommes. Ceux qui ont été la cause que l'islam se propage. Donc ce sont eux les piliers de cette religion en tant qu'homme. Donc je m'affilie à ces gens-là. Non, je comprends la religion comme ils l'ont comprise. Pas comme un qui est venu après eux et qui a compris moins qu'eux. comprends? Et même les ashab de Mazahib, ils sont venus après eux. Donc comment on va s'appartenir à des gens qui sont venus après des gens qui, eux, ont reçu l'éloge? Sans vouloir dénigrer les imams. Les imams, c'est malouf, tu vois. C'est des références dans la religion. On ne nie pas. Mais par exemple, demain, j'ai un call de Ahmed, j'ai un call d'Ibn Mas'ud. Qui c'est qui est prioritaire que j'écoute? Ah! Même si c'est pas qu'Ibn Mas'ud, il se trompe. C'est possible. Qu'il y ait un hadith qu'ils n'ont pas parvenu et que Ahmed, le hadith, il le connaisse. C'est possible. Mais je parle du asl. Le asl, c'est qui que tu vas écouter en premier? Ibn Mas'ud. Radiallahu anhu. Sans aucun doute. Donc, pas confondre la salafia et le madhab. À la base, les imams des mazahib, à part Abu Hanifa, qui est un mourdi, ce sont des salafis, de toute façon. Ce sont des salafis. Imam Ahmed, c'est un salafi. Imam Malik, c'est un salafi. L'imam Shafi, c'est un salafi. Et tous les imams de cette époque de la Sunna sont des salafis. Et Abu Hanifa, dans le fiqh, il était reconnu. Dans le reste, il n'était pas reconnu. Et son mazhab est devenu célèbre, c'est juste ce qu'Allah l'a voulu. Mais son mazhab, c'est le plus loin de la Sunna. On ne va pas dire que tout ce qu'il dit c'est faux, mais il a été très marginal sur beaucoup de points. Beaucoup de points, il y a des hadiths, il la code d'homme quoi? Son avis, sa réflexion à lui. Donc de là, on a dit non, on veut le texte. On ne veut pas ton avis à toi ou celui d'un autre, on veut le texte. Donc amener à passer son avis, bah, ça amène. Comme on a dit au début tout à l'heure, que des gens, par exemple, ils voient le sperme, le drap, il y a du sperme, il ne dort pas dans le drap. Par exemple, pour lui, non, c'est répugnant. On dit, ben Nabi Salam, et il a fait ça là dans un vêtement, il y a du sperme dessus. Tu veux dire qu'il est répugnant, ce qu'il a fait? Ça amène, quand on dit un délit, ça amène des fois à des paroles graves. Sans t'en rendre compte, hein, on dit pas que la personne a fait exprès. Ça t'amène à avoir des déductions, tu vois, que c'est pas bonne. Si tu dis, donc, le prophète Salem, il a fait ça là dans un truc qui était répugnant, ça sert à quoi de dire. Donc, attention à ce qu'on dit. Donc, min ahamiyat mayakun min ittiba' al-dalil, de suivre le dalil. Et si le madhab, le dalil est correct, bismillah, on dit pas le madhab, on dit le dalil. Madhab, il dit non, moi j'ai le dalil, il a dit. Imam Ahmad, il l'a dit. Imam Ahmad, il l'a dit, mais il a pris de qui d'avant? Même il a dit. La tukalidouni, wa la tukalidou malikan wa la shafi'i, wa khudum ma akhazna. N'haïsou akhazna. Ne mutez pas, ni malik ni shafi'i, mais fusez d'où on a pris. C'est ça qui t'appelle lui. Il dit, ben l'imam Ahmed, je le respecte. Ce qu'il m'a dit de faire, je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je serais vivant, il me dirait, c'est ça que je t'ai appelé à faire moi. Pas me prendre de moi, de prendre de là où j'ai pris. C'est-à-dire, même les gens qui ne suivent pas les mazahib, sont les plus proches des imams des mazahib, en réalité. Ceux qui n'attribuent pas un madhab, il est plus proche de Ahmed, de Malik ou de Shafi'i que celui qui dit moi je suis Maliki. L'imam Malik, t'as jamais dit soit Maliki. Il serait là, il t'aurait pas jamais dit ouais, j'agresse cela. Tu portes mon nom. Jamais il aura agressé cela. Donc tu sais qui est le plus proche en réalité. Ah, pareil. Voilà, Moustan. Ou le madhab Wahhabi, il n'existe pas. À part, Shayah, il a rapporté qu'il y a une secte de Khawarij qui s'appelle Wahhabiya. Il y en a une secte, Fialan. Mais ils n'ont rien à voir avec les salafis, c'est les khawarij. Mais quand ils appellent wahhabi, ils visent par là les salafis. Parce que, comme on appelle le tawhid, on dénonce le shirk, les gens ça les dérange. Par exemple, les soufis, quand ils font leur tawaf autour des koubours, ils tournent autour des tombes, ils invoquent les morts, tout ça, et qu'on dit que c'est du shirk, c'est du kouf, ils disent qu'on est des takfiriyoun. On dit non. Nous, kafar, on rend mécréant ce que le dalil a rendu mécréant. Demain, tu fais une présentation pour qu'Allah est à. Hein? Eh ben, on va être kafar pour ça. Naam. C'est pas le takfir ça, ou du moins c'est le takfir, légiférer. Ce que tu as fait, c'est du kufr. Nous, on n'est pas comme les chrétiens, c'est pas entre l'islam, c'est garanti jusqu'à la vie. L'islam, tu en rentres, tu peux en sortir aussi. Tu en es rentré avec une parole, tu peux en sortir avec une parole. Quand j'ai une parole, il y a l'article qui vient avec, mais je sais pas quand tu as fait la shahada. Tu as prononcé une parole, qui fait qu'en apparence, nous, khalas, on a pris de toi. Eh ben, en islam, avec une parole, tu peux sortir aussi. Tu en rentres en islam avec une croyance. Tu peux en sortir avec une croyance aussi. Tu entends ça avec des actes que tu vas faire par la suite, comme la salade et tout. Et bien, tu peux en sortir en descendant des actes. Pareil. La religion, elle n'est pas garantie. Elle est basée sur tes paroles, ta croyance, tes actes. Les trois peuvent te sortir de l'islam. Une parole peut te rendre mécréant. Une croyance peut te rendre mécréant. Et un acte peut te rendre mécréant. Mais les gens, ils ne veulent pas comprendre ça. C'est le takfir, non. Il y a des gens qui rendent les gens mécréants pour rien, c'est vrai. Il y en a, ils méritent d'être mécréants. Et t'en as, ils veulent mécréants, on ne veut pas les rendre mécréants. Ça, c'est de l'irgès, ça. Nous, c'est le juste milieu à chaque fois, comme on dit. Il y a le sunna, on n'est pas des takfirioun, ni des mourdia. Si tu as fait un acte qui mérite qu'on te rende mécréant, moi, tu es juste mécréant. Wallah Moustahan. Oui, donc, Mila Hala. Attends, j'ai perdu la page. طيب après il dit masala dhabit al ghulam al radi'. Les normes de c'est quoi l'enfant considéré comme étant allaité. Qui est-il? Parce que ce n'est pas tout enfant allaité qui rentre dans ce jugement. Déjà fait le hadith yundahu min bol al ghulam ma lam yat'am. Dans le hadith de Ali que on humecte de l'urine de l'enfant qui ne se nourrit pas. Ils ont dit quoi? L'imam Ahmed, dans le Mourni, on rapporte de lui qu'il a dit quoi? Que le sabi, si jamais il mange la nourriture, qu'il la désire, il la veut, la nourriture, lui, on lave, c'est ça le roulem. Celui-là, on lave son urine. Parce que tu as des enfants, par exemple, ils sont allaités, mais deux fois, on leur donne à manger, comme ça, de nous-mêmes. Est-ce que lui, on dit qu'il mange la nourriture, on dit non. C'est nous, là, on l'a donné comme ça. Le Nabi, ça, c'est, par exemple, il a fait le tahnik. Hein? Au fils de Moussoulaïm. Il s'appelait Abdullah. Le met la date dans la bouche. C'est sûr que l'enfant, il a dû avoir aimé ça. C'est-à-dire qu'il mange? Non. C'est nous que l'on met. Est-ce que lui, il réclame? Il réclame pas. Le roulem, celui qui est pas radir, et qu'on dit qu'il mange, c'est celui qui est en besoin d'avoir à manger, qui le réclame. C'est-à-dire, il est allaité, et en plus de ça, il veut à manger. Et on lui donne. Donc lui, son urine devient une urine qui est le jument de l'urine de l'adulte. Donc c'est la nourriture, tout ce qui est en dehors du lait de sa mère, ou de sa nourrice, ou autre. Donc attention à confondre entre un enfant à qui on donne à manger de nous-mêmes, qui n'a pas demandé, qui ne réclame pas, parce que des fois des parents sont pressés. L'enfant il est là, il va donner une banane, il va donner un truc, tu vas manger. L'enfant n'a rien demandé. Et l'enfant, tu vois, il a faim. Tu manges, il est là, il va attraper la nourriture, il veut manger, tout le temps, il veut manger avec toi. Celui-là, khalas. Mais son nourriture, je veux dire, elle est devenue comme une najasa. Parce que la najasa, elle est de deux sortes. La grande et la petite, la légère. Et l'urine de l'enfant, celui-là, rentre dans la légère. Tandis que la fille, et pourquoi on va dire, pourquoi le garçon, pourquoi pas la fille? On dit, Allah yafalou ma yasha. Allah il fait ce qu'il veut. Allah a voulu que l'urine de l'enfant soit plus légère que celle de la fille. On n'a pas à discuter. Wa qala ta'ala, laysa dhakaru ka al-untha. L'homme n'est pas comme la femme. Le mâle n'est pas comme la femelle. C'est tout ce qu'Allah il a voulu. Allah il a élevé les hommes sur les femmes. Parmi leurs caractéristiques, que l'urine du petit qui n'est pas encore sevré, son urine est plus légère que celui de la fille. Maintenant, s'il y a des hikmah, je ne les connais pas. D'ailleurs, des hikmah, peut-être que les ulama, ils ont déduit. Je ne les connais pas. Donc voilà, c'était la mas'ala. Que l'urine du garçon qui n'est pas encore, qui est encore allaité, qui ne mange pas, comme on a dit, qui ne réclame pas la nourriture, qui n'en a pas envie, qui n'est pas en besoin, lui, son urine, il suffit d'humecter. Bon, l'enlever. C'est une najasa, mais khafifa. Yanni mukhafafa. Déjà, plutôt. Ma'afoumada. Fa'ilahuna, walhamdulillahi rabbil alamin.